En Suisse, le comité préparatoire pour le 75e anniversaire de naissance du généralissime Kim Jong-il, le comité préparatoire pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Paektusan 2017, le comité Suisse-Corée et le cercle d'études des idées du Juche ont publié une déclaration commune à l'occasion du 5e anniversaire de la remise du titre de généralissime de la République populaire démocratique de Corée au général Kim Jong-il. Ils y ont indiqué que Kim Jong-il est le commandant prestigieux légendaire du Paektu qui a repoussé les menées de suppression contre la Corée des États-Unis et de leurs suivistes et que tous les succès coréens sont le brillant résultat de sa politique de Sun-kun.